Mais c'est quand j'ai mal dormi, toute la nuit tu m'as fui. Je sais que t'es mon ami, pour toi je donnerai ma vie. Avec ton cœur de sirène, tu fais tourner toutes les têtes, tellement que j'en ai la migraine. J'y peux rien, c'est dans ma tête. Tu respires le soleil, et tu respires le bonheur. C'est tout à ton honneur, toi qui es une abeille. Je sais que tu es la vie, je sais que je t'en. Yeah.